toit. On l'a pas rencontré dans le brouillard. Et c'est l'homme qui s'est fait de la vie. Oui, c'est lui, la ville est portée. Tu connais? Ah oui, je ne sais pas. Exactement 300 que la poésie pure se révéla aux yeux du monde. Sa cabine, tu révoltes les pires les pointes assassines. C'est la table des du star system qui expose en rime tous nos problèmes. Qui est-il, d'où vient-il, ce formidable robot? C'est le Victor, c'est le Victor, c'est le Victor Hugo des temps nouveaux. Non, moi je ne crois pas que cela ouais, soit si facile. Oui, d'incarner le poète pété du deuxième millénaire. C'est avec un style mystérieux, oui, qu'il nous distille. Les plus éblouissants poèmes à la façon de Baudelaire. De Molière comme Prévert, il marque son époque. Et les poèmes de GG, non, je ne peux plus m'en passer. Les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG. Je t'aime sur la tour de pise. Je voudrais te dire je t'aime en te faisant une bise. Je voudrais te dire je t'aime en mangeant des friandises. Je voudrais te dire je t'aime, mais assez de gourmandise. C'est l'histoire de Toto qui court sur un bateau. Il rencontre un poteau et lui balance de l'eau. Les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG. C'est là, on tape dans les mains tous ensemble, allez, on chante en chœur. Salut, c'est Gérard. Le fou, je suis pas sourd, hein. Eh, vous allez pas mettre ça, qu'est-ce que c'est que ce mini de naze là? Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Il attire les hommes, les familles, les sans pitié, les sexy. Les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG. De GG.